Chapitre 19. Une soubrette de grande dame. En voyant l'accident qui venait d'arriver au jeune seigneur, dont la main un peu légère l'avait, quelques secondes auparavant, gratifié du coup de cravache sous lequel frissonnaient encore ses épaules, Thibaut, tout joyeux, prit ses jambes à son cou et courut pour voir l'état dans lequel se trouvait M. Raoul de Vauparfond. Un corps privé de mouvement était étendu au beau travers du chemin, et le cheval renâclait tout à côté. Mais chose qui parut des plus extraordinaires à Thibaut, c'est que le corps étendu au travers du chemin ne lui semblait plus être le même qui, 5 minutes auparavant, avait passé près de lui et lui avait cinglé un si violent coup de cravache. D'abord, ce corps était vêtu non plus en seigneur, mais en paysan. En outre, il sembla à Thibaut que les habits dont ce même corps était couvert étaient ceux que lui, Thibaut, portait un instant auparavant. Sa surprise alla croissant et monta jusqu'à la stupéfaction lorsqu'il aperçut que ce corps inerte, et qui paraissait complètement privé de sentiments, avait non seulement ses habits, mais encore son visage. Dans son étonnement, Thibaut reporta naturellement les yeux de ce second Thibaut sur lui-même, et il remarqua qu'un changement notable s'était opéré dans son costume. Ses jambes, au lieu de souliers et de guêtres, étaient chaussées d'une élégante paire de bottes à la française venant aux genoux, souples comme des bas de soie, plissées sur le cou de pied et ornées de fins éperons d'argent. Sa culotte, au lieu d'être de velours à côtes, était du plus beau daim tanné qui se pût voir, serrée à la jarretière par de petites boucles d'or. Sa redingote de gros drap de louvier couleur olive avait fait place à un élégant habit de chasse vert avec des brandebourgs d'or s'ouvrant sur un fin gilet de piqué blanc entre les revers duquel, sur une chemise artistement plissée, se jouaient les flots onduleux d'une cravate de batiste. Il n'y avait pas jusqu'à son chapeau à lampion qui ne se fût transformé en élégant tricorne bordé d'un galon pareil à ceux qui formaient brandebourg sur sa redingote. En outre, au lieu du bâton de longueur, c'est le terme sous lequel les ouvriers désignent leur canne de combat, au lieu du bâton de longueur qu'il tenait à la main tout à l'heure encore, moitié comme appui, moitié comme défense, il secouait maintenant une légère cravache au sifflement de laquelle il prenait un aristocratique plaisir. Enfin, sa taille fine était serrée par un ceinturon auquel pendait un long couteau de chasse, moitié sabre droit, moitié épée. Thibaut fut tout joyeux de se sentir enfermé dans un si charmant costume et, par un mouvement de coquetterie bien naturel en pareille circonstance, il fut pris du désir immédiat de voir comment ce costume allait à l'air de son visage. Mais où Thibaut pourrait-il se contempler au milieu des ténèbres de cette nuit noire comme l'intérieur d'un four? Il regarda autour de lui et reconnut qu'il était à 10 pas à peine de sa cabane. « Ah, parbleu ! » dit-il, « rien de plus simple, n'ai-je donc point ma place ?» Et Thibaut s'élança vers sa cabane, ayant comme Narcisse l'intention de savourer tout à son aise sa propre beauté. Mais la porte de la cabane était fermée. Thibaut en chercha inutilement la clé. Il n'avait dans ses poches qu'une bourse bien garnie, un drageoir garni de pastilles ambrées et un petit canif à manches de nacre et d'or. Que pouvait-il donc avoir fait de la clé de sa porte? Une idée lumineuse lui passa par l'esprit. C'est que sa clé pourrait bien être dans la poche de l'autre Thibaut qui était resté étendu sur la route. Il y retourna, fouilla dans la poche de la culotte et du premier coup retrouva cette clé mêlée à quelques gros sous. Il prit du bout des doigts le grossier instrument et revint ouvrir la porte. Seulement, il faisait encore plus nuit dans la cabane que dehors. Thibaut chercha à tâtons le briquet, la pierre, l'amadou, les allumettes, et se mit à battre le briquet. Au bout de quelques secondes, un bout de chandelle, fiché dans une bouteille vide, était allumé. Mais l'allumeur ne put accomplir cette opération sans toucher la chandelle avec ses doigts. « Pouah ! » dit-il, « quel porc que ces paysans ! Et comment peuvent-ils vivre dans de pareilles saletés ?» La chandelle était allumée, c'était le principal. Thibaut décrocha la glace du mur, s'approcha de la chandelle et se regarda. Mais à peine son regard eut-il plongé dans le réflecteur qu'il poussa un cri de surprise. Ce n'était pas lui, ou plutôt, c'était toujours son esprit, mais ce n'était plus son corps. Le corps dans lequel son esprit était entré était celui d'un beau jeune homme de 25 à 26 ans, aux yeux bleus, aux joues roses et fraîches, aux lèvres de pourpre, aux dents blanches. Ce corps, enfin, était celui du baron Raoul de Vauparfond. Thibaut se rappela alors le vœu que le coup de cravache et le choc du cheval lui avaient fait formuler dans un moment de colère. Il avait pour 24 heures désiré être le baron de Vauparfond et que le baron de Vauparfond fût Thibaut pour le même espace de temps. Cela lui expliquait ce qui, au premier abord, lui avait paru inexplicable, c'est-à-dire que ce corps évanoui qui était couché en travers de la route fut vêtu de ses habits et orné de son visage. « Peste ! » dit-il, « faisons attention à une chose, c'est que j'ai l'air d'être ici, mais qu'en réalité je ne suis pas ici, mais là-bas. Prenons garde que, pendant les 24 heures où j'ai l'imprudence de me quitter, il ne m'arrive quelque irréparable malheur. Allons, allons, pas tant de répugnance, monsieur de Vauparfond. Transportons ici le pauvre Thibaut et couchons-le moelleusement sur son lit. » Et, en effet, quoique dans ses sentiments aristocratiques, monsieur de Vauparfond répugnât à ce petit travail, Thibaut se prit bravement entre ses bras et se transporta de la route sur son lit. Bien posé sur ce lit, Thibaut souffla sa lampe de peur que, dans son évanouissement, il n'arrivât malheur à cet autre lui-même. Puis, refermant la porte avec soin, il en cacha la clé dans le creux d'un arbre où il avait coutume de la mettre quand il ne voulait point la transporter avec lui. Après quoi, il attrapa son cheval par la bride et monta dessus. Le premier moment fut à l'inquiétude. Thibaut, qui avait beaucoup plus voyagé à pied qu'à cheval, n'était point un écuyer consommé. Il craignait donc de ne point conserver bien exactement son centre de gravité au milieu des mouvements qu'allait exécuter sa monture. Mais il paraît qu'en héritant le corps de Raoul, il avait en même temps hérité ses qualités physiques, car le cheval ayant voulu, en bête intelligente qu'il était, profiter de l'inhabileté momentanée de son cavalier pour le désarçonner, Thibaut instinctivement rassembla les rênes, serra les genoux, mit les éperons au ventre de sa monture et lui sangla 2 ou 3 coups de cravache qui la rappelèrent incontinent à l'ordre. Thibaut, sans s'en douter, était passé maître en équitation. Cette victoire qu'il venait de remporter sur son cheval l'aida à se rendre compte à lui-même de sa dualité. Pour le corps, il était des pieds à la tête, le baron Raoul de Vauparfond. Pour l'esprit, il était resté Thibaut. Il était évident que, dans le corps du Thibaut évanoui, qui était demeuré dans sa cabane, dormait l'esprit du jeune seigneur qui lui prêtait son corps. Mais cette division qui logeait son esprit dans le corps du baron et l'esprit du baron dans le corps de Thibaut ne lui laissait qu'une assez vague appréciation de ce qu'il allait avoir à faire. Il savait bien qu'il allait à Montgobert sur une lettre de la comtesse. Mais que disait cette lettre? À quelle heure était-il attendu? Comment pénétrerait-il dans le château? C'est ce qu'il ignorait complètement et, par conséquent, ce qu'il lui restait à apprendre de point en point. Alors Thibaut eut une idée. C'est qu'il avait sans doute sur lui la lettre écrite par la comtesse à Raoul. Il se tâta de tous les côtés, et en effet, il sentit dans la poche de côté de son habit quelque chose qui semblait avoir la forme de l'objet qu'il cherchait. Il arrêta son cheval, il fouilla dans sa poche, en tira un petit portefeuille de cuir parfumé doublé de satin blanc. Dans un des côtés de ce petit portefeuille étaient plusieurs lettres, dans l'autre une seule. C'était cette dernière qui, probablement, allait lui apprendre ce qu'il ignorait. Il s'agissait seulement de la lire. Thibaut était à 300 ou 400 pas seulement du village de Fleury. Il mit son cheval au galop, espérant trouver encore quelques maisons éclairées. Mais on se couche de bonne heure au village, et dans ce temps-là, on se couchait plus tôt encore qu'aujourd'hui. Thibaut alla d'un bout à l'autre de la rue sans voir une seule lumière. Enfin, il lui sembla entendre quelques bruits dans l'écurie d'une auberge. Il appela. Un valet vint avec une lanterne. « Mon ami, lui dit Thibaut, oubliant qu'il était momentanément un grand seigneur, vous plairait-il de m'éclairer un instant? Vous me rendriez service. » « C'est pour cela que vous me faites sortir de mon lit, vous ? » répondit grossièrement le garçon d'écurie. « Eh bien, vous êtes bon enfant encore !» Et, tournant le dos à Thibaut, il s'apprêta à rentrer. Thibaut vit qu'il avait fait fausse route. « Voyons, drôle, dit-il en élevant la voix, approche ta lanterne et éclaire-moi, ou je te donne 25 coups de cravache !»« Oh, excusez-moi, monseigneur !» dit le valet d'écurie. « Je ne savais pas à qui je parlais. » Et il se dressa sur la pointe des pieds pour mettre sa lanterne au point où Thibaut en avait besoin. Thibaut déplia la lettre et lut. « Mon cher Raoul, décidément la déesse Vénus nous tient sous sa protection. Je ne sais quelle grande chasse se projette demain du côté de Thurie, mais ce que je sais, c'est qu'il part ce soir. » Partez vous-même à 9 heures pour être ici à 10h30. Entrez par où vous savez, vous serez attendu par qui vous savez et conduit où vous savez. Il m'a semblé sans reproche qu'à votre dernière visite, vous vous étiez arrêté bien longtemps dans les corridors. Jeanne. Ah diable ! Fit Thibaut. Plaît-il, monseigneur ? Dit le valet d'écurie. Rien, Manon, sinon que je n'ai plus besoin de toi et que tu peux te retirer. Bon voyage, monseigneur, dit le garçon d'écurie en saluant jusqu'à terre, et il rentra. Diable, répéta Thibaut, la lettre ne m'apprend pas grand-chose, sinon qu'il paraît que nous sommes sous la protection de la déesse Vénus, qu'il part ce soir pour Thurie, que je suis attendu par la comtesse de Montgobert à 10h30, et que de son petit nom la comtesse s'appelle Jeanne. Maintenant, quant au reste, j'entre par où je sais. Je serai reçu par qui je sais, qui me conduira où je sais. Thibaut se gratta l'oreille, ce qui, dans tous les pays du monde, est le geste des gens plongés dans un grand embarras. Il eut envie d'aller réveiller l'esprit du seigneur de Vauparfond qui dormait sur son lit dans le corps de Thibaut. Mais, outre que c'était bien du temps perdu, ce moyen extrême avait ses inconvénients. L'esprit du baron Raoul, en voyant son corps si près de lui, pouvait être pris du désir d'y rentrer. De là une lutte dans laquelle Thibaut ne pouvait se défendre qu'en risquant de se faire grand mal à lui-même. Il fallait trouver un autre moyen. Thibaut avait souvent entendu vanter la sagacité des animaux et dans sa vie champêtre avait plus d'une fois eu l'occasion d'admirer leur instinct. Il résolut de s'en rapporter à celui de son cheval. Il le ramena dans son chemin, lui tourna la tête du côté de Montgobert et lui lâcha les rênes. Le cheval partit au galop. Il était évident qu'il avait compris. Thibaut ne s'inquiéta plus de rien. Le reste était l'affaire de son cheval. Arrivé au coin du mur du parc, l'animal s'arrêta. Non point qu'il parût hésiter sur la route qu'il avait à suivre, mais il dressait les oreilles et paraissait inquiet. Il avait semblé à Thibaut de son côté voir deux ombres, mais en effet, c'était sans doute deux ombres, car il eut beau se dresser sur ses étriers afin de se grandir et regarder tout autour de lui, il ne vit absolument rien. Il pensa que c'étaient des braconniers qui cherchaient à s'introduire dans le parc pour lui faire concurrence. Du moment où personne ne lui disputait la route, il n'avait plus qu'à rendre à sa monture son libre arbitre. C'est ce qu'il fit en lâchant de nouveau les rênes. Le cheval suivit au grand trot les murs du parc, marchant dans la terre labourée et se gardant de hennir, comme s'il eût deviné l'intelligent animal qu'il ne devait faire aucun bruit, ou plutôt que le moins de bruit possible. Il parcourut ainsi toute une face du mur du parc, puis tourna avec ce mur et s'arrêta devant une petite brèche. « Bon, dit Thibaut, c'est sans doute par ici que nous allons passer. » Le cheval flaira la brèche et gratta du pied la terre. C'était répondre catégoriquement. Thibaut lui lâcha la bride et au milieu des pierres roulant sous ses pieds, l'animal parvint à escalader la brèche. Cheval et cavalier étaient dans le parc. Il y avait déjà une des trois choses embarrassantes heureusement accomplie. Thibaut était passé par où il savait. Restait à trouver la personne qu'il savait. Il s'en rapporta encore à son cheval pour cela. Au bout de 5 minutes, le cheval s'arrêtait à 100 pas du château, devant la porte d'une de ces petites chaumières en terre glaise et en bois grume que l'on établit dans les parcs pour faire ce que l'on appelle en termes de peinture « fabrique dans le paysage ». Au bruit des pas du cheval, la porte s'était entr'ouverte et le cheval s'arrêtait à cette porte. Une gentille chambrière sortit. « C'est vous, monsieur Raoul ? » dit-elle à voix basse. « Oui, mon enfant, c'est moi, » répondit Thibaut en mettant pied à terre. « Madame avait grand-peur que cet ivrogne de Champagne ne vous eût point remis sa lettre. » « Elle avait tort. Champagne a été d'une exactitude exemplaire. »« Allons, laissez là votre cheval et venez. »« Mais qui va en avoir soin ?»« Celui qui en a soin d'habitude, maître Cramoisi. »« C'est juste, » dit Thibaut, comme si ces détails lui étaient familiers. « Cramoisi en aura soin. »« Allons, allons, » répéta la suivante. « Dépêchons-nous, madame dirait encore que nous nous sommes arrêtés dans les corridors. » Et en disant ces mots qui rappelaient à Thibaut une phrase de la lettre adressée à Raoul, la chambrière riait et, en riant, montrait des dents blanches comme des perles. Thibaut eut bien envie cette fois de s'arrêter, non dans les corridors, mais dans le parc. Mais la chambrière resta suspendue sur un pied et l'oreille au vent. « Qu'y a-t-il ? » demanda Thibaut. « Il me semble que j'ai entendu crier une branche sous le pied de quelqu'un. »« Bon, » dit Thibaut, « c'est sous le pied de Cramoisi. »« Raison de plus pour que vous soyez sage, monsieur Raoul, ici du moins. »« Je ne comprends pas. »« Est-ce que Cramoisi n'est pas mon fiancé ? Voyons. » »« Ah, si fait. Mais toutes les fois que je me trouve seule avec toi, ma petite Rose, je ne m'en souviens plus. » « Voilà que je m'appelle Rose à présent. Monsieur le baron, je n'ai jamais vu d'homme plus oublieux que vous. »« Je t'appelle Rose, ma belle enfant, parce que la rose est la reine des fleurs, comme tu es, toi, la reine des soubrettes. »« En vérité, monsieur le baron, dit la chambrière, je vous trouve toujours de l'esprit, mais je vous en trouve encore plus ce soir que les autres jours. » Thibaut se rengorgea. C'était une lettre à l'adresse du baron et qui était décachetée par le sabotier. « Pourvu que ta maîtresse soit de ton avis, » dit-il. « Oh, avec les grandes dames, » dit la soubrette, « il y a toujours moyen d'être l'homme le plus spirituel du monde. C'est de ne point parler. »« Bon, » dit-il, « je me souviendrai de la recette. » « Chut !» dit la chambrière à Thibaut. « Voyez-vous, là ?» Madame la comtesse, derrière le rideau de son cabinet de toilette, allons, suivez-moi bien modestement. » En effet, il s'agissait de traverser un espace vide qui se trouvait entre les massifs du parc et le perron du château. Thibault s'avançait vers le perron. « Eh bien, lui dit la soubrette en l'arrêtant par le bras, que faites-vous donc, malheureux ?»« Ce que je fais ? Ma foi, je t'avoue, Suzette, que je n'en sais rien. »« Bon, voilà que je m'appelle Suzette à présent. Monsieur le baron me fait l'honneur, je crois, de me donner le nom de toutes ses maîtresses. Mais venez donc par ici, n'allez-vous point passer par les grands appartements ? Fi donc, c'est bon pour monsieur le comte. » Et la femme de chambre entraîna en effet Thibault par une petite porte à la droite de laquelle on trouva un escalier tournant. Arrivé au milieu de l'escalier, Thibault enveloppa de son bras la taille de la suivante, souple comme le corps d'une couleuvre. « Ne sommes-nous pas au corridor ? » demanda-t-il en cherchant des lèvres les joues de la belle fille. « Pas encore, » répondit-elle, « mais cela ne fait rien. » « Ma foi, dit-il, si je m'appelais ce soir Thibault au lieu de m'appeler Raoul, je te jure, ma chère Marion, que je monterais jusqu'aux mansardes au lieu de m'arrêter au premier. » On entendait le grincement d'une porte qui s'ouvrait. « Eh, vite, vite, monsieur le baron, dit la soubrette, c'est madame qui s'impatiente. » Et tirant Thibault après elle, elle atteignit le corridor, ouvrit une porte, poussa Thibault dans une chambre et referma la porte derrière lui, croyant fermement l'avoir refermée sur le baron Raoul de Vauparfond, c'est-à-dire, comme elle le disait, sur l'homme le plus oublieux de la terre.